J'allais oublier, mais tes sentiments sont si difficiles à atteindre. Mais pourquoi ? Tes sentiments sont si difficiles à atteindre.